blanche dans le noir, le souvenir d'Hélène. Je le cherche chaque soir quand mon cœur est en peine. Nous étions deux amis que le temps a tués. Nous étions deux amis, je crois que je l'ai aimé. Je recherche souvent le sourire d'Hélène. Tout ce qui me sourit se moque par derrière. Elle s'était en mon cœur, ma joie, mon espérance. Elle s'était le bonheur que l'on rêve à 20 ans. Je recherche à présent le souvenir d'Hélène. Et que passe le temps et que s'enfuit Hélène. Je suis seul exilé, je suis loin de la terre. Je suis dans le quartier des sentiments blessés. Et demain, si je meurs au petit cimetière, ma tombe sera fleur de neige par l'hiver. J'aurai face à la mort sur mes lèvres humides l'appel de mon cœur réclamant son sourire. Les perles de l'ennui. Je suis un écolier qui se cherche un ami. Je recherche ce soir le souvenir d'Hélène. Car je me sens si seul face au noir qui descend. À mes yeux accrochés, les perles de l'ennui. Je suis un écolier qui se cherche un ami. Un ami. Un ami. Un ami.